Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu apate mbariki. Levons-nous pour l'étude de la parole. Tushimame ndio usome maneno. Nous prenons Apocalypse 15. Tunachukua kitabu Ufunuo sura ya 5. Et nous prendrons en même temps Apocalypse chapitre 7. Na vile vile tutachukua tena Ufunuo 7. Dans son verset 9. Mustari yake ya 9. Apocalypse 15, 2. Ufunuo sura ya 15 mstari wa 2. Apocalypse chapitre 7. Na Ufunuo 7. Dans son verset 9. Mstari yake ya 19. Prions. Tuombe. Merci Seigneur. Accente Bwana. Depuis le matin, les frères et les sœurs étaient ici. Tangia subuhi banduko adada barikuwa paifashi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tunakuomba mujina Yesu Kristu. Par ta grâce et par ta miséricorde. Kwa neema yako na kwa rehema yako. Et chaque prière qui t'a été adressée. Kila ombi ilikuelekea. Trouve un bon écho auprès de toi. Ipate kufika kumzuri kwako. Exauce chaque prière. Ujibie kila ombi. Au nom de Jésus Christ. Mujina na Yesu Kristu. Sois avec nous encore. Uitena pamoja nasi. Pendant que ta Bible est ouverte. Mwakati ile Biblia yako iko wazi. Viens et sois l'interprète de celle-ci. Kuya, non pas de comme tafsiri wayo. Pour notre salut. Njua okovu yetu. Et pour notre édification. Na njua kujenga kwetu. Merci Père. Asante Baba. Nous te prions ici avec foi. Tunakuomba hivi na imani. Que tu feras au-delà de nos mots que nous ya avons kwamba, commencé. Utafanya kushindia hata misemo tulisema. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristu. Amen. Amen. Apocalypse 15, 2. Ufunuo sura yake ya 15 mstari yake ya 2. Et j'ai vu comme une mer de verre. Kisha na nikaona tena sawa mutoni ya verre. Bahari. Une mer de verre. Bahari. Mêlée de feu. Yenye kuchangana na moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête, Nabale barishinda nyama, son image, picha yake, et le nombre de son nom, na bwingi ya jina lake, étaient debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Barikuya benye kushimama mbele ya bahari, na benye kuya ayant des arpes de Dieu. Na venye kuya na birumbi ya Mungu. Il chantait les cantiques de Moïse. Barikuwa beko na imba nimbo ya Musa. Le serviteur de Dieu. Mutumishi wa Mungu. Et les cantiques de l'agneau. Na mimbo ya mwana kondo. En disant. Mukusema. Tes œuvres sont grandes. Matendo yako ni mkubwa na ya kushangaisha. Seigneur Dieu tout puissant. Bwana Mungu wa uwezo yote. Tes voies sont justes. Manjia yako ni haki. Et véritable. Na ya kweli. Roi des nations. Mfalme wa mataifa. Vous asseoir. Unaweza kukala. On va continuer la lecture. Tunaendelea na usomi. Mais remarquez le verset 3. Lakini tazameni mustari yake ya tatu. Il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu. Barikobe kunaimba nimbo ya Musa mtumishi wa Mungu. Ceux qui chantaient les cantiques de Moïse, serviteurs de Dieu. Bale barikobe naimba mimbo ya Musa mtumishi wa Mungu. Sont les Juifs. Ni Bayuda. 144 000. Bale 144 000. Et ceux qui chantaient les cantiques de l'agneau. Na bale barikobe kunaimba nimbo ya mwana kundu. Sont des vierges folles. Ni babikira wapumbafu. Apocalypse 7. Ufunuo sura ya 7. Verset 9. Mustari yake ya après tisa. Cela j'ai regardé. Kisha ile nikaangalia. Et voici il y avait une grande foule. Na tazameni kulikuwa kundi ya watu mingi. Que personne ne pouvait compter. Na kuna mtu aliwezi kubalula. De toute nation. Ma mataifa yote. De toute tribu. Ma makabila yote. De tout peuple. Ba watu bote ma yote. De toute langue. Na maruga yote. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Alikuwa shashimama mbele ya kiti ya enzi na mbele ya mwana kondoo. Benye kuvala mankanzu mweupe et des palmes dans leurs mains na matawi mu mikono yabo. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusoma neno lake. Nous vous avons donné beaucoup de références. Tulimpatia mafazi ya kusoma ya mingi. Et nous vous avons demandé d'aller les lire. Na tumiomba mwende mkaisome kunyumba. Mais nous vous avons lu le retour de Christ. Lakini tumisomea mahubiri kurudia kwa Kristo. À la page 21. Ku karatasi yake ya 21. Et nous avons lu à la page 34. Na tunisomea tena ku karatasi yake ya 34. Franck a dit ceci. Nduku Franck a sema hivi. Il y a des personnes qui de leur vivant kuku batu mubujima bwabu ont cru à Jésus-Christ. Bale bariamini ndani ya Yesu Kristo. Et ont reçu la vie éternelle. Na baripokea uzima milele. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ. Et ambatana kubote bala kuamini ndani ya Yesu Kristo. Quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Aizuru mu makutano ile baripatikana wala kanisa. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, atavile imani yabo ya wazi ya waki ndani ya Yesu Kristo, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, vio ampokea sawa Bwana na Mwokozi, ils ont suivi leur propre chemin. Lakini barifuata manjia yabo. Ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions. Wala barishimamia tu paili mafundisha kwa chana ya makanisa ya matunisa yabu. Sans se soucier de la parole de Dieu. Lakini bila kuangaikia neno la Mungu wa kweli. Bien qu'ils n'auront aucune part au repas de noces. Ata vile abata shiriki ata kukaramu moya ya mwana kundu. Ni au règne de mille ans. Wala kuile utawalu ya miaka elfu. Ils entreront dans la vie éternelle. Mais lakini bataingia mujima milele. C'est ce que nous vous avons lu hier. Dieu le tumisomea jana. Je vais revenir ici. Mitarudiria hapa. Non, je vais aujourd'hui. Mitarudiria hapa. Je vais revenir ici. C'est pour éclairer. Njuu ya kuangazia. Même si c'est une citation que vous allez lire. Ataka makuku ma bisemo ngine mtenda kusoma. Nous vous avons enseigné et dit ceci. Tumfundisha na kusema hivi. Les vierges sages et les vierges folles. Babikira baikima na kila pumbafu. Sont de croyants que Christ va retrouver vivant lors de son retour. Ni baminifu bali Kristo atakuta benyiko bajima mwakati ataanza kurudia. Dans cet âge de Laodicée. Mui kizazi kya Laodikia. Les vierges sages sont des élus. Babikira baikima boni bateule. Et des vainqueurs de cet âge de Laodicée. Na bashindaji ba mui kizazi kya Laodikia. Qui ont atteint la perfection en Christ. Bale barifika paka mukamilifu ndani ya Kristo. Et qui seront enlevés vivants lors du retour. Na mwakati Kristo atarudia batanyanyuliwa bajima. Mais les vierges folles. Lakini babikira pumbafu. Sont des croyants vivants. Bo ni baaminifu benye kwa bajima. Que Christ retrouvera sur la terre. Kristo atibakuta pa idunia. Lors de son retour. Mwakati atarudia. Mais qui vont rater l'enlèvement. Lakini batakosa kunyanyuliwa. Parce qu'ils n'ont pas atteint la perfection en Christ. Sababu abakufike mukamilifu ndani ya Kristo. Et doivent passer dans la tribulation. Na batapitia mateso. Mourir comme martyr. Na kufwa juu ya Kristo. Pour ressusciter avant le millénaire. Juu ya kufufuka tena mbele ya miaka elfu. Maintenant notez ceci. Sasa muandike. Hii ni ya mafaa kabisa. Aujourd'hui, Léo, si vous mourez étant scellé du Saint-Esprit, kama unakufa mwenye kuwa na muri ya Roho Mtakatifu, avant que Jésus-Christ ne revienne, mbele ya kurudia kwa Yesu Kristo, vous êtes un élu, uko muteule. Vous allez ressusciter au retour du Seigneur. Na utafufuka mukurudia kwa Bwana. Mais tu n'es pas une vierge sage. Lakini hauna bikira wa hekima. Les sages. Ba bikira hekima. Seront trouvés vivants lors du retour du Seigneur. Ni bale Kristo mukurudia atakuta bajima. Je reprends. Minarudiriam. C'est dans cet âge de la Odyssée. Ni mwikizazi kya la Odikia. Qui a des élus. Jo muku bateule. Que Christ trouvera vivant. Bale Kristo atakuta benye kwa bajima. Lors de son retour. Mwakati atarudia. Qui sont appelés. Vierge sage. Na beko ne baite ya kwamba babikira baekima. Parce qu'ils ont atteint la perfection en Christ. Sababu bo barifika mukamilifu ndani ya Kristo. Mais si tu as déjà atteint la perfection en Christ. Lakini kama sasa wewe ushakufika mukamilifu ndani ya Kristo. Tu es scellé du Saint-Esprit aujourd'hui. Na leo hii unesha kutiwa muri ya Roho Mtakatifu. Mais vous mourrez avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais lakini unakufa mbele ya kurudia kwa Bwana Yesu. Vous êtes enterré. Banakujika. Vous allez vous reposer dans le corps théophanique, le corps parole. Unenda kupumzika mwili ya kiteofani ya neno. Tu es un élu. Ukumteule. Mais tu n'es pas une vierge sage. Mais lakini auna bikira wa hekima. L'église est avec moi. Kanisa tuko pamoja. Deuxièmement. Kya pire. Si vous êtes né de nouveau aujourd'hui. Kama leo unesha kuzalikwa mara ya pili. Et vous menez une vie sanctifiée. Na uku na maisha ya utakaso. Mais tu n'es pas scellé du Saint-Esprit. Mais lakini aubalo kutiwa muri ya Roho Mtakatifu. Tu n'as pas atteint la perfection en Christ. Auyafika mukamilifu ndani ya Kristo. Vous n'êtes pas une vierge folle. Auna na weye bikira mpumbafu. Si vous mourrez. Kama unakufwa. Avant le retour du Seigneur. Mbele ya kurudia kwa Bwana. Vous êtes un appelé uko mwenye kuitwa qui va ressusciter qui va ressusciter na utafufuka après le 1000 ans kisha miaka elfu après le règne du millénium kisha utawalo wa miaka elfu. Je reprends cela. Narudiria potena. Tous ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui dans cet état de la Odyssée. Bale bota nisa kuzali kwa upia mala apiri mwikizazi kia la Odikia. Qui meurt en Christ. Na beko na kufwa ndani ya Kristu. Sans atteindre la perfection. Bila kufika mukamilifu. Ne sont pas des vierges folles. Aina babikira pumbafu. Ce sont des appelés. Bo ni benye kuitwa. Quand Jésus-Christ vient, mwakati Yesu Kristo konakuya, ils resteront dans la tombe. Bo batabakia mumakaburi. Et même avant l'entrée du millénium, ils ne vont pas ressusciter. Na ata mbele ya kuingia mwaka elfu, bo abata fufuka. C'est après le règne de 1000 ans. Ni kisha kutawalo wa miaka elfu. Ils vont ressusciter. Jo bata fufuka. Pour recevoir la vie éternelle. Ju ya kupokea buzima milele. Les trois groupes. Il est mankundi tatu. Que forment les croyants. Il est atunga ba ministre des nations. Ba kungambo ya mataifa. Sont les élus. Ni ba teule. Les vierges folles deux. Ba bikira pumbafu wa piri. Et les appelés. Na benye kuitwa. Les élus sont enlevés pour aller au noce de l'agneau. Bateu le bobe na nyanyulia jo kwenda karamu ya mwana kondo. Les vierges folles passent par la tribulation. Babikira pumbafu watapita mateso mkubwa. Et meurent comme martyrs. Na banakufwa njuu ya Kristo. Ressuscite avant le millénaire. Na batafufuka mbele ya miaka elfu. Pour vivre dans le millénaire. Njuu ya kuishi mu miaka elfu. Et troisièmement. Na ya tatu. Les appelés ressuscitent. Beile benye kuitwa batafufuka. Après le règne de millénium. Kisha miaka elfu. Seront jugés au trône blanc. Na batenda kukumiwa kukitia enzi mweupe. Juu ya kuingia sasa milele. Les 144,000. Bale 144,000. Sont les fils d'Abraham. Bale ni batoto wa Ibrahimu. De 12 tribus. Bale vizazi kumi na mbili. Qui forme la nation israélite. Bale manatunga taifa ya ba Israeli. Les enfants de Jacob. Batoto ya Yakobo. Et qui reçoivent le salut. Bobe na pokea okovu. D'une manière collective. Munamna ya wingi ya mkinkunji. Les 144,000. Bale 144,000. Après la prédication d'Élie et de Moïse. Kisha mahubiri ya Elia na Musa. Après le départ de l'épouse. Kisha kwenda kwa bibi harusi. Et après la construction du temple de Jérusalem. Na kisha kujengwa kwa hekalu ya Yerusalema. Seront nés de nouveau. Bo watazali kwa mara ya pili. Parce qu'ils croiront à l'œuvre du calvaire. Sababu bataamini mukazi ya Calvario. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Na batabatizwa na Roho Mtakatifu. Mais ils ne font pas partie de l'épouse. Lakini abana mungambo wa bibi harusi. Et les vierges folles. Na bikira pumbafu. Et les 144,000. Na bali 144,000. Ne seront pas dans le palais. Abata kuya mchumba kifalme. Non, avec l'époux. Pamoya na bwana harusi. Apana. Ils sont serviteurs. Bo ni batumishi. De l'époux et de l'épouse. Wa bwana na wa bibi harusi. On va en parler dans les enseignements prophétiques. Muma fundisha unabii. Mais comme je passe l'élection, je devais passer par là. Sasa hivi nuna semea yule wa uchakuzi ni pasha kupitia hapo. Maintenant, dans la déclaration de Frère Branham, de Frère Frank, ça, ça m'umtemu, ce n'est pas la déclaration de Frère Frank, mais Frère Branham en fait. Yanduku Frank, lakini na Nduku Branham nae arisimaka. Sur le nain de nouveau, Yulia benyekuzali koma na pie. Dans les dénominations. Umazebu. Sur le nain de nouveau dans les dénominations. Yulia bal banesha kuzali koma na pie lakini muzebu. Ce sont de véritables croyants. Ni baamini wa kweli. Qui ont eu l'occasion pendant leur séjour terrestre. Bari pata kubati mashikwa wa padunia. Ils ont eu l'occasion d'une manière ou d'une autre. Munamna ya kuachana bari pata kulibati. Pendant leur séjour terrestre. Mashiku yabo padunia. D'entendre la vraie parole de Dieu. Ya kushikia ko neno ya kweli ya Mungu. D'entendre le vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ya kushikia ko injili ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Par de véritables serviteurs de Dieu. Kupitia batumishi ya Mungu ba kweli. Ce n'est de nouveau. Bale, bazali koma la piri. Ils sont dans les communautés dénominationnelles. Benyekuya mankundi ya mazebu. Ce sont de véritables chrétiens. Ni ba Kristo ba kweli. Qui pendant leur séjour terrestre. Bo mumashiku yabo ya padunia. Ont eu l'occasion d'une manière ou d'une autre d'entendre le vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. D'entendre la véritable parole. C'est par la voix de la véritable parole de Dieu. Ni kupitia njia ya neno wa Mungu wa kweli. Le véritable évangile de Jésus-Christ. Injili ya kweli ya Yesu Kristo. Que nous appelons l'évangile du salut. Et tunaita kwamba injili ya ukweli. Qui est la véritable semence de Dieu. Jo yenye kuya mbeko ya kweli ya Mungu. Qu'ils ont eu l'occasion d'expérimenter la nouvelle naissance. Jo ilipatia ubati ya kuonja uzali kwa mara pili. Ce n'est pas par de fausses doctrines. Aina kupitia mafundisho ya bongo. Ce n'est pas par un faux évangile de Jésus-Christ qu'ils sont nés de nouveau. Aina kupitia injili ya bongo ya Yesu Kristo ndio baza kama la pili hapana. Ce ne sont pas les faux enseignements dénominationnels. Aina mafundisho ya bongo ya kizebu. Qui leur a été enseigné, il a fundisha, par lesquels ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Kupitia ile, bari onja, kusali koma la pili. Ce n'est pas par un faux évangile de Christ. Aina kupitia injili ya bongo ya Kristo. Ils ont entendu. Ile barishikia. Qui les a amenés à la nouvelle naissance. Na inawapeleka mukuzali koma la pili. Non. Apana. Ceux qui sont nés dans les dénominations, Muzebu. Ils sont nés de nouveau, ils sont devenus enfants de Dieu. Dieu a plusieurs manières et plusieurs voies de se révéler aux hommes et aux femmes, il a connu depuis l'éternité, désirant le salut. Mais pendant leur séjour terrestre, selon les circonstances de la vie humaine, les autres ont été en retard par rapport au plan du salut. Ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter les nouveaux messages ou les messages du jour. Voilà, mais dans leur cœur, Ils aimaient la vérité. Par quoi j'appelle ukweli? Ils aimaient Dieu. Par quoi j'appelle Mungu? Ils aimaient le salut. Par quoi j'appelle ukovu? Il y a d'autres croyants. Kuba minifu mengine. Qui sont en retard. Beko wenye kuchelewa. Ne pensez pas que. Chuaze ya kwamba. Comme toi tu as entendu le message. Le ulishikia ujumbe. Toute la terre a déjà entendu ce message. Même quand je vous parle ici, il y a des endroits où on n'a jamais entendu le message du temps de la fin. Ils ont, ils vivent dans les réveils passés. Ils n'ont pas eu l'occasion de recevoir les portées de la semence de cet âge. Mais ils étaient nourris par de véritables serviteurs. C'est le cas d'Apollos dans Acte 18, 18 na 19. Qui, au temps du message wakati ya ujumbe de Jésus-Christ, ya Yesu Christu, lui croyait encore au message de Jean-Baptiste. Ya alikuwa naamini paka ujumbe ya Yohana Mbatizayo. Mais il prêchait Jésus. Mais lakini anza kubili Yesu. Mais avec le baptême. Mais lakini ile ubatizo de Jean-Baptiste. Ya Yohana Mbatizayo. C'est comme les 12 croyants. Paka vile bala les 12 croyants. Kwa aminifu wa kweli. De l'église d'Éphèse. Ba mkanisa ya Efeso. Qui était en retard par rapport au plan du salut. Il y a des gens, des hommes et des femmes, qui nous fréquentent ici, les frères et les sœurs croient, et après certains moments, les circonstances de la vie les amènent à un endroit où il n'y a pas le message, où il y a un faux message, comme ils ont les soucis d'adorer. Étant bébé, ils se retrouvent seuls, mais ils ont soif d'adorer. Ils se retrouvent dans une dénomination. Ils sont déjà nés de nouveau. Mais ils se retrouvent là-bas. Non pas parce qu'ils croient à leur doctrine. Même quand on leur prêche, ils disent, ça ce n'est pas ce que j'avais entendu à Kambo. Mais ne sachant pas où aller et comment se comporter. Mais s'il mourait, Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Il va lui donner la vie éternelle. Il n'a pas pu croître pour aller jusque dans le baptême du Saint-Esprit. Ashipate bahati ya kumala njua kufika pa mbati ya mbati takatiki. Il nourri dans la vérité. Sababu ashikuanze kulishwa tena ndani ya ukweli. La croissance est stoppée. Na kukomea kwake kuna shimamishwa. Il est enfant de Dieu. Lakini ni mtoto wa Mungu. Et il sera enlevé. Et il sera sauvé. Na ataokolewa. Même s'il est embrouillé par les faux prédicateurs, parce qu'il n'était pas enseigné, il n'avait pas toute la lumière, mais Dieu est juste. Il va lui donner la vie éternelle. Il va le récompenser. L'église est avec moi. Donc il y a beaucoup de circonstances. Nous connaissons des frères, des soeurs, et je peux même citer, qui restaient dans les maisons des frères. Ils ont cru, elles ont cru. Ce sont des croyants fervents. Ils aiment la parole. Mais leurs parents leur ont fait pression pour qu'il rentre chez eux. Mais elle souffre. Il souffre. La sœur priait pour nous. Que Dieu nous ramène à Kambo. Mais Dieu ne peut pas le perdre. Ils ont la vie. Et Dieu s'occupera du reste. Na Mungu atangaikia bila mewakia. Mais, lakini, les faux enseignements dénominationnel. Mafundisho ya bongo ya kizebu. Et le faux évangile de Christ dénominationnel ne peut à aucun cas hakuna hata namna moja engendrer inawezi kuzalishwa des fils et des filles de Dieu. Batoto wanaume wa Mungu. Ne de nouveau. Ne kuzalikwa mara pili. No. Hapana. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. C'est pourquoi Njuku wa mana, nous n'encourageons jamais si atukaraki na tia nguvu wala kankamanisha les gens à demeurer dans la dénomination. Bantu wapate ubakia mzebu. Nous leur disons sortez de la dénomination. Nikalaka mkuambia tokeni mzebu. Et nous n'encourageons jamais les na gens atukaraki mkutia nguvu à retourner batu, et à fraterniser avec les dénominations. Kushiriki pamoja na mama zebu. La dénomination zebu n'a rien à donner aina na kitu kama ya kupatia à un élu muteule à l'époux de Jésus-Christ. Wa bibi arusi wa Yesu Kristu. Les dénominations zebu sont mortes. Manisha kufwa. Ce sont des cimetières. Ni makaburi. Mais dans les cimetières, mais lakini makaburi, on peut y trouver des gens vivants. Manisha kutamu batu bajima. Même les fous habitent les cimetières. Ata, vous le dites dans la Bible. Ce n'est pas le cimetière qui lui a donné la vie, non. C'est un fou qui est allé s'installer dans les cimetières. Aina makaburi mpatia bujima, lakini nikia majimu njo anendikala makaburi. Il avait d'abord la vie. Alikuwa na bujima. Et il a la vie. Na iko na bujima. Avant de s'installer. Mbele ya kwenda. Dans les cimetières. Nikala makaburi. Quand Frère Branham dit, Mwakadu Branham asema, les dénominations sont des cimetières. Mazebu ni makaburi. Mais dans les cimetières, là, on peut y trouver les, lakini, muno makaburi, les gens vivants. Bale, les gens vivants, bajima, là, c'est ça, les nés de nouveau. Bale, bajima, njubala, nisa, zariko, manapiri. Vous voyez bien, mes frères. Unaona, nduku mpendwa. Parce qu'il faut que vous compreniez cela. Sabu, afadhali, mupate kuelewa mzuri. Pour que les citations ne vous troublent pas. Kusudi, mamisemo, ndu, Branham, ishanze, mivurisha. Ou les citations de Frère Franck, voilà, donc Franck, pour mettre chaque chose à sa place. Il n'a fallu que qu'il a quitté papa Chiaï. La nouvelle naissance ne vient que de la semence pure. Ne vient que de la parole de vérité. Ne vient que de l'évangile de Christ pur. Un point entier, ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ile ni hivi Bwana anasema kuneshia pale. Les faux prédicateurs. Baubiri ba bongo. Avec leurs faux enseignements. Na ile mafundisho yabo ya bongo. Qu'on engendre une fausse naissance. Inekalaka paka mkutosha kuzalikwa kwa bongo. Les faux enseignements. Mafundisho ya bongo. Ne peuvent jamais. Kamwe haiwezi. Donner naissance à la vraie nouvelle naissance. Kuzala kuzalikwa upya. Banam en a suffisamment expliqué. Banam a facilité à sana. Dans vous devez naître de nouveau. Mumaubiri muna pasta kuzaliko mara ya pili. 1961. Ya 1961. Les faux enseignants. Ma bafundi ba mwalimu ba bongo. Amen. Une fausse nouvelle naissance. Banalitaka kuzaliko upya kwa bongo. J'ai amené ça ici. Et ni ileta. Je voulais seulement une chose là. Ni misome kitu kimwa pale. Notez cela, vous devez naître de nouveau. Mwandike maubiri munapasha kuzalikwa mara pili. Vous devez naître de nouveau. Munapasha kuzalikwa mara pili, maubiri. Le 31 décembre 1961. Vous prenez le paragraphe. Mubebe nukta. Prenez le paragraphe 121. Nukta ya 121. Prenez le paragraphe 129, 131, 121, 129 131 et 131. Oh, les faux enseignants amèneront des fausses naissances. Les vrais prophètes amèneront la parole, la naissance de la parole, Christ. Les faux prophètes amèneront une fausse naissance. Comprenez-vous? Comprenez-vous cela? Donc, n'espérez jamais naître de nouveau avec des faux enseignements ou un faux évangile. Voilà, Injili ya bongo. C'est vrai. C'est la vraie parole. Ni neno a kweli. Qui est la vraie semence de Dieu. Dieu n'est quoi mbeko a kweli amu. Qui engendre les vrais véritables fils de Dieu. Na iku na zalisha batoto a mungu ba kweli kupitia uzali kwa upia. Dans le septième saut. Mu maubiri muri ya saba. Que je prends comme témoignage, il y a beaucoup de choses. Mubitu ya mingi lakini abasa ushuda. Septième saut, paragraphe. Muri ya saba. 244. Nous taquons 244. À 245. Fika paka 245. Banam dit ceci. Banam en astemaivi. Même en parlant des vierges folles. Ata mukusemezea yule babikira pumbafu. Il dit ceci. En astemaivi. Nous avons vu, nous avons aussi vu là, que l'ouverture du sixième sceau a un triple dessin. Ya kwamba kufunguka kwa muri wa sita iko na kusudi yayo mbili. Voici ce dessin. Tazameni ile makusudi. Le premier, makusudi ya kwanza, est que les vierges folles, ya kwamba wakiwa pumbafu, doivent passer par la tribulation, banapasa kupitia mateso, pour être purifiées. Juu ya kusafishwa. Elles doivent être purgées, banapasa kusafisha kuoshwa, de leur péché d'incrédulité, na ile mazambi yabo kutokuamini, et d'avoir rejeté le message. Na vile barikatala ujumbe. C'est ce qu'elles font pendant la période de tribulation. Nanjoele vitafanya mwakati ya mateso. Seront purifiés. Bata osho, bata safishwa. De leur incrédulité. Na kutokuamini kwabo. Pour avoir rejeté le message. Ya vile barikatala ujumbe. Ce sont des vierges folles. Hein? Bale babikira pumbafu. Ils ont rejeté le message. Bale barikatala ujumbe. C'est pourquoi la discussion, je crois bana mabishano, parmi les prédicateurs, kati ya baubiri, y a-t-il des vierges folles dans les messages, et timujumbe mabishano dans les dénominations. Voilà mazebu. Ce n'est même pas une doctrine. Il est aina tama fundisho. C'est un problème de connaissance. Ni mambo tu ya kufahamu. Non, les vierges folles, c'est les dénominationnels. Dans les foules. C'est les élus. Est-ce que tous ici, non. Est-ce que tout le monde ici sera enlevé? Non. Est-ce que tout le monde ici est sauvé, né de nouveau? Et pourtant la vérité est prêchée. Japo, ukweli kuna ubiriwa hapa. Une discussion de bongo. Ce sont des discussions inutiles. Ça, ce sont les vieilles folles qui rejettent le message. C'est ce qu'elles font pendant la période de la tribulation. Nous les voyons aboutir ici dans l'Apocalypse 7. Où entre le sixième et le septième saut, après avoir été purgés, elles reçoivent leur longue robe. 245. Mais la kini, elles ne sont pas l'épouse. Abana babi ya rusi. Elles sont l'église. Bo ni kanisa. Ceux qui sont purs. Bale yiko asafi. Mais la kini, non, peut-être pas eu l'occasion de recevoir le message. Sa zingine wakupate kubati ya kupokea ujumbe. Il y a ceux qui l'ont reçu. Kubali walipokea ujumbe. Voyez. Non. Ils sont nés de nouveau. Banazariko malapi. Ils ont rejeté une partie de la vie. Bana... Ils ont refusé de marcher dans toute la vérité. Bana katala kutembea mukweli yote. Il y a les autres. Bengine. Ils n'ont jamais entendu. Abayashikiaka. C'est pourquoi vous devez donner beaucoup d'argent pour qu'on envoie les prédicateurs sur les champs de mission. Je commande mon apache pour être fait à Mingi, je t'en ai coutu ma baubiri, mon mari, mon père. Allez, on va chindoa, kushikia mujumbe. Ceux qui vont échouer, écoutez le message. Parce que moi, il y a mon couteau en flanga Mingi. Parce que vous. Je vous soukouma baubiri, vende mbari, va kaubiri à bari njema. Vous n'avez pas donné suffisamment d'argent pour envoyer les prédicateurs. Tu gardes l'argent, tu as ma pouvoir d'intérêt à Kimwili. Vous serez jugé. Ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de recevoir le message. Ou ils ont été aveuglés voilà, d'une manière ou d'une autre par des faux prophètes. Ils n'ont pas eu l'occasion. Pourtant leur cœur est réellement sincère et Dieu connaît leur cœur. Et ils sont purifiés pendant cette période. Vous voyez, Munaona. Les gens qui ont reçu les réveils passés. Batu bale wapokea amsho isha kupita. Si ya tuna wahubiri wa kwanza. Nous ne sommes pas les premiers prédicateurs. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile chez les dénominationnels, chez les pentecôtistes, le vrai évangile. Kuku batu bale wahubiri injili ya kweli mazebu mapente. Et les gens étaient nés de nouveau. Nabatu barizali kwa malapiri. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de recevoir le message. Lakini hawakupata bahati ya kupokea ujumbe. Pourtant dans l'air qu'ils voulaient continuer. Ndani ya mioyo yao walipenda kuendelea. Mais il n'y avait pas eu de gens pour leur apporter l'évangile. Lakini akukweko bahati. Le message du temps de la fin. Dieu akubahubiri ujumbe wakati ya mwisho. Dieu ne les condamne pas. Na Mungu hawezi kubahukumu juu ya ile. Ils vont rater l'enlèvement. Kunyanyuliwa batakosa. Mais Dieu. Mais lakini Mungu. Si il les trouve vivants. Kama anibakuta bajima. Né de nouveau. Ben kuzali kwa malapiri. Ils vont combattre contre l'agneau et contre la bête. Batakombana na nyama. Na batashinda ile nyama. Ils seront tués comme martyrs. Na batibaua juu aiye. Ils vont ressusciter. Na kumwisho batafufuka. Avant le millénium. Mbele ya miaka elfu. Ils vont vivre dans le millénium. Na bataishi mutawala ya miaka elfu. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Mungu ni wa haki. Mubile vyote kunafanya. Il meurt. Kama anakufwa. Vous voyez, étant né de nouveau, sans Saint-Esprit, ils vont apparaître au trône blanc, na bata fufuka, ils seront jugés, na bata et vont entrer dans l'éternité. Na kisha bata ingia tena milele. Et je suis dans ce qu'il fait. Mungu haki, que Dieu vous bénisse. Mungu embariki. Est-ce que c'est compris? Eti munaelewa? J'en parlerai encore plus tard. Mite semezia, tena. Dans le trône. Maubiri kitia enzi. Le trône. Kitia enzi. Révélation, le trône. Ufunuo, kitia enzi. À la page, au paragraphe 199. Nous tu as qui 199. 201. 201. 202. Non, 202. Maintenant, dans Apocalypse 15, ça, nous voyons le reste de la femme. Tout non. Le reste de la femme. C'est-à-dire les saints de la tribulation. Ceux qui sont passés par la tribulation debout sur cette mer. Maintenant. L'église a déjà été. L'épouse a déjà été enlevée. Et rappelez-vous que l'épouse est sur le trône. Ceux qui vivaient dans le royaume viendront avec le roi rendre honneur et gloire à la ville. Maintenant, Mais c'est saint de la période de la tribulation. Sasa bale batakatifu mwakati ya mateso. Qui apparaissent maintenant. Bale bena onekana sasa. Sont passés par la grande tribulation. Boba ripita wa mateso mkubwa. L'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Bibi arusi atapita kwa mateso mkubwa. Pouvez-vous voir qu'elle est déjà dans la gloire? Munaweza kuona kusema ya kwamba eko mkubwa. Quand la tribulation tombe sur la terre. Mateso mkubwa inaanza pa dunia. L'épouse est dans la gloire. Bibi arusi anaisha kuingia mkubwa. L'épouse est au nom de l'agneau. En train de fêter avec son époux. Mufanya karamu pamoja na bwana harusi wake. Na hapa pa dunia. Ya la tribulation. Panakuwa sasa mateso mkubwa. C'est saint de la tribulation. Bale watakatifu mateso mkubwa. Bale watapita mateso mkubwa. C'est qui vont passer par la grande tribulation. C'est de ma faute. Ni kwa nkosa yangu. Et de la vôtre. Na nkosa yenu. Si non jamais entendu. Kama bo abayashikia. La parole. Neno. Vous suivez? Munafuata. Kama banapita, si il peut passer mumateso, par la grande tribulation na banashinda kunyanyuliwa, et ils échouent d'être enlevés, c'est de ma faute, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas apporté la, si la bonne nouvelle. Entendu et rejeté. Kama bo barishikiaka na kukatala. Ils iraient en enfer. Bara pasha kwenda mugeena. Ils seraient jetés dans les ténèbres du dehors. Bara pasha kubugatupa magiza inje kusudi barikatala neno. Kama muntu anakatala ukweli ya neno la Mungu. Si quelqu'un refuse la vérité de la parole de Dieu. Atenda moto. Certainement il ira dans le feu. Là, il n'a pas de justification. Pale ana na kujisabia haki. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Mais regardez la situation que nous avons lue. Mais lakini hii msemo tu askersoma. Parmi les vierges folles. Katikati ya babikia pumbafu. Il y a ceux qui ont rejeté le message. Kuko bale barikatala ujumbe. Mais il passe. Mais lakini batapita. Par la tribulation. Kupitia mateso mkubwa. Cela signifie quoi? Ile inamaanisha nini? Cela signifie. Ile maana yake. Que ces hommes, banaume, ce sont des appelés, kuitwa, des gens, abatu, ces hommes et ces femmes, banaume, banamuke, ils ont cru, bariamine, car la parole leur fut apportée, la vérité de l'évangile de Christ, injili, ils l'ont cru, bo, mais ils se sont limités uniquement sur l'œuvre du calvaire. Kazi ya msalaba, et ils n'ont pas prospéré, na, ils n'ont pas évolué kumbele, pour atteindre la perfection. Ils ont rejeté d'autres promesses. Malako ingine. Ce n'est pas qu'ils ont rejeté toute la parole. Barikatala neno ils ont rejeté une partie de la parole. Ya neno. Les promesses de leur temps, malako ya wakati mais abu, ils sont restés avec la parole de l'évangile. Lakini barbakiat prana neno ya injili. Ils sont sauvés. Benesha kukulewa. Ils sont nés de nouveau. Benesha zariko malapi. Mais ils n'ont pas évolué. Mais lakini abakuendele kumbele. Pour atteindre la perfection. Juu ya bo kufika mukamilifu. Ces gens lakini, ici sont faits banana bal. Et ils ont tout rejeté. Bari tupa tu yote neno. Bari katala. L'évangile du salut. Injili ya wokovu. Ils ont rejeté. Bari katala. Et na les promesses de leur temps. Malako ya wakati yabo. Et seront en enfer. Bo batakuya fati yabo mugiena. Voilà la différence. Munona achanisho. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Je m'attarde ça c'est pour éclairer. Mina kawia pa ifasi. Vos esprits. Ninju ya kunyanga. Oui, la citation de l'Ompatia. Les citations qu'ils ont données. Comment oui, à si tout expliquer, tout on a expliqué, on t'explique à mon bar. On n'avait pas expliqué, on t'explique pour que tu ne puisses pas mal comprendre. Mon on a ndoku. Les vierges folles. Aba, babikia, ont cru une partie de la parole. Bo, bariamini semu aneno. Ils les appelaient. Ils ont cru une partie na, de la parole. Bariamini semu aneno. Ils ont rejeté les promesses de leur temps. Malako ya wakati yabo. Mais ces incrédules, aba, ils ont rejeté bo, toute la parole. Barikatala, neno yote, ils ne sont ni de nouveau. Na abayazariko ata marapili. Ils ne sont ni sanctifiés. Na abana ata benye kutakatiwa. Na home takatifu. Est-ce abana nayo. Est-ce que c'est clair? Et tibiko wazi. Je continue. Minaendelea. Donc s'ils avaient entendu la parole, kama barishikiaka neno, et rejeté, na kuikatala, ils iraient en enfer, pale bataenda mugena, ils iraient jeter dans les na, ténèbres batatupa de magiza inje, pour avoir rejeté, kusudi barikatala, la parole, neno. Quelqu'un qui rejette la parole ou la vérité révélée volontairement, il commet un péché impardonnable. Mais les vierges folles et les appelés n'ont pas commis un péché impardonnable. Ils avaient des crédités, c'est pourquoi ils vont, on les a châtiés. Barikuya tuna kutokuamini njo kwa maana watawapatia malipizi. Ils ne l'ont jamais entendu. Lakini kama kamwe bashiaka. Ils ne l'ont jamais entendu. Kama bashiaka kamwe. Dieu est juste. Ni mwenye haki. La période de la tribulation est pour eux. Ya mateso iko hapo juu yabo. Voyez comment faut banana mais. Munaona namna ka ndugu banana mafasilia. Quand vous lisez, il faut pas lire le message comme un livre. Wakati mnasoma mjumbe haifai kuanza kuisema sawa gazeti. Non. Apana. Vous voyez. Munaona. Réfléchissez un peu à ceci. Mufikili iko kidoko pai. Lavez pas la même parole. Benye kulambi kusausha pitia neno mwamoya. C'est le même hôtel. Ni ile masabao moya. La même mer de verre. Ile bari mwamoya. Et la même parole. Na neno mwamoya. Apocalypse 15, 2 à 5. Ufunuo. Faisons une remarque juste un instant. Nous ne leur avons jamais apporté la parole. C'est pourquoi ils étaient comme cela. Si nous ne leur avons jamais apporté la parole, nous en serons tenus pour responsables. Il est babujito niyetu. Pourtant, Japo, il ne nous sera pas possible d'amener tout le monde. Ya kupeleka batu bote. Vous voyez, munaona, l'église s'est agie ici. Kanisa ya kizazi. Il y a la vérité. Yenye kuwa na ukweli. N'y arrivera pas. Haitafika. Est-ce que vous avez compris? Ancien, vous comprenez? Ah, si vous êtes, est-ce que vous n'avez chiquilla? Parce que toi, tu es pasteur. On a dit qu'il est frère, mais on a dit. L'église, vous suivez ça. Kanisa, mais ce n'est pas pour rien que je reviens ici. Aina kwa quand, mina vous kurudia, kurudia, quand vous me voyez, j'avance, il commence à retirer. Comprenez que là, il y a un problème. Tous les anciens frères me connaissent, non? Banduku, ba zamani muta en famia. Ils savent comment le Seigneur m'utilise, non? Banayo, namna kani mungu anitumisha. Minaenda kumbele, et je recule un peu. Et là où je suis en train de revenir, il y a un problème sérieux. Cela veut dire quoi? Bien que chez Yaba, attends, nous autres, Dieu nous a appelés de prêcher l'évangile du temps jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Nous, les prédicateurs ensemble, nous ne pouvons pas franchir partout sur la terre pour prêcher. Tu t'accueilles pas ma face, parle et oujoumbe, aïta fikaka, mais là, il y a des élus. Mais ces élus-là, ils ont cru au réveil passé. C'est le réveil du Saint-Esprit. C'est le réveil. Ni ile amsho ya Mungu ya kuanzamani. Ile maamsho ya Roho Mtakatifu véritable. Et ces croyants-là, na bale ba minifu, ont avec cru. Bale amini bo. Ils sont nés de nouveau. Na bale sa zaliko mala api. Ils sont restés dans l'ancien réveil. Bana bakia mu ile amsho inesha pita. Mais nous ne sommes pas partis les prêcher. Maintenant, Dieu va les condamner. Sasa Mungu ateba hukumu. Dieu qui est juste. Mungu yeye mwenye kuwa haki. Ateba condamner. Il va pas les condamner. Il les sauve. Anibaoko. Sur base de la lumière qu'ils ont reçue. Kupitia nuru ile baripokea. Voyez. Ils ne seront pas enlevés. Abata nyanyuliwa. Mais lakini ils vont passer par la tribulation. Batapitia mateso mkubwa. Ils ne croiront pas aux enseignements de l'église catholique. Sababu abakuamini na mafundisho ya katoliki. Abatakuya mwili ungano wa makanisa batikatana. Ils seront aussi tués comme martyrs. Bo batibaua sawa marafiki ya Kristo. Na Mungu atawapatia mankanzo mweupe sababu ni bashindaji ba ile picha ya nyama. L'église est avec moi. Munaona kanisa tu pamoja. Je me tiens ici. Mina simama huko mbele ninjua kuvuta angalisho yenu. Moi, je ne vais pas si cette église établi, qui a mis par le monde à l'autre que cette église soit en confusion quand ils entendent les déclarations des prédicateurs. Non, baubiri, apana, j'ai une responsabilité niko na madaraka ya, je vous devais comprendre kwenu, les choses correctement. Na mnapasa kuelewa bitu mzuri. C'est même la raison pour laquelle vous me sababu voyez mune je inyonea, prends beaucoup de temps niko na beba wakati pour rester ya à la chair. Juu ya kubakia kumimbari aina kwa bule. Il y a beaucoup de prédicateurs qui attendent. Kuku ba ubiri, ba mingi be wanachunga njoo ya kuya hapa nune ba kuchungisha. Pour que vous soyez bien. Juu mweye mupate kuweka mizizi mzuri. Voyez bien mes frères. Munaona nduku. C'est bon, voyez comment faut parler. Munaona nduku banam namna anasema. Imaginez un frère. Mwaze ko nduku moya. Il est invité par une sœur. Banamwalika kwa dada mmoja. Un frère est invité par un frère ou une sœur. Nduku mwa mwaka wa dada wala kwa nduku anakuja hapa kuamini. Kisha kuamini. Après avoir cru. Anashika habari njema. Il a écouté la bonne nouvelle. Anamkuta mzee kunahubiri au monde kuna hubiri. Il trouve l'ancien au monde en train de prêcher. Ou mhubiri mwingine. Et il croit. Na anaamini. Il se fait baptiser. Na anabatiziwa. Mais juste dimanche. Mais lakini siku ya juma. Lundi anapata kwenda. Mkazimoya il est venu ici lundi, Mkazimoya anapasha kuenda retourner au village Mkasokota. Là à Kasokota Mkasokota il y a pas ces messages ces messages n'est jamais arrivé là-bas et là à Kasokota il y a des pentecôtistes et les restes des églises et lorsqu'il est arrivé dans son village Kasokota, mais il a soif d'adorer Mbeko. Il a expérimenté la nouvelle méthode, mais il n'est pas enseigné. Mais lakini, ana mwenye kufundishwa. Il n'est pas éclairé. Ana mwenye kuangaziwa. Il se flanque dans une dénomination pentecôtiste. Là où il entend un peu de paroles, pour rester dans la chaleur. Njoo akubakia na kale ya kifukutu. Njoo baatu bale. Je ne peux pas condamner. Mungu awezi kubahukumu. Je vais leur donner des robes blanches. Ache anjo atewapatia makazi meupe. Vous voyez bien mes frères. Munaona nduku mpendwa. Vous voyez bien mes sœurs. Munaona dada mpendwa. Si nous ne leur avons jamais apporté la parole, nous en serons tenus pour responsables. Pourtant, chez Yendo, tout le monde est responsable. Il ne nous sera pas possible d'amener tout le monde. D'amener le message à tout le monde. Pereka ujumbe fasi yote, nous sommes incapables. Voyez frère. Munaona nduku. J'ai déjà, laisse pas par la grâce de Dieu, j'ai déjà voyagé. Kwa ni mamungu ne chata tu. Il y a des villes. Mamuji. Des cités. Majimbo. Kupita Kambovi. Plus que même Kambovi. Mikili kupita Likasi. Des cités plus que Likasi. Il n'y a même pas le message. Mais lakini amuna ujumbe ata moya. Demandez aux frères et aux sœurs qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, États-Unis, comment ils sont pour écouter la parole. Namna kanibe kona teswa njua kushikia I ujumbe. L'église de cet âge-ci, kanisa ya ikizazi, a la vérité. Iko na ukweli. Voyez, munaona. A la vérité. Iko na ukweli. Qui a la vérité. Iko na ukweli. Voyez, munaona. Mais n'y arrivera pas. Mais lakini avatafika. Même si nous avons la vérité, nous n'arriverons pas. Même dans les petits recoins. D'apporter le message partout. Mutuamiji tuloko. Voyez. Munaona. Frère Franck, frère Branham. Nubranam, le prophète. Yenjo Nabi. Il a prêché l'évangile. A rubiri injili. Il n'a jamais piétiné Kambov. Lakini ayafinyangaka Mkambov. Kambov même. Aina tam Kambov. Même le Congo. Ata enye Congo. Il n'a pas piétiné tout. Et c'est-à-dire tous les pays. Ashkufiki maichi yote. Frère Frank. Du Frank. Il a déjà fait plus de 200 pays, il a visité. Ashatembe a mamiji amingi, mais il n'a jamais visité toutes les villes. Mais lakini ashafika kama hii ma tous les prédicateurs que vous connaissez ont déjà visité beaucoup d'églises, beaucoup de cités. Mais il y a toujours des points lakini pour ma face où on n'a jamais entendu la parole. Abashikiaka sauti ya Mungu. Il est membre de la souveraineté ya Mungu. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Voyez bien mes frères. Unaona nduku. Comme ces gens vont dans la tribulation. Ça hivi abatu batapitia mateso mkubwa. Ce ne sont pas les saints qui sont morts autrefois durant ces âges de l'église. Aina batakatifu bale balikufa zamani mu mabizaji ya kanisa. Hapana. Aina batakatifu. Ce ne sont pas des saints. Bale balikufa. Ils sont morts. Mu bizaji bilipita. Durant les âges de l'église. Ils vont ressusciter. Mu tribulation. Pour passer mu mateso mkubwa. Bale balapita mu tribulation. Ceux qui vont passer par la grande tribulation. Baminifu. Ce sont les croyants. Baikizaji la Odikia. Cet âge de la Odikia. Bale kufike mu kamilifu. Ils ne sont pas arrivés dans la perfection en Jésus Christ. Lakini, enlèvement. Ils ont raté kunyanyuliwa. Ce sont ceux qui vont passer Mateso Mukubwa. La grande tribulation n'est pas pour les morts. On ne voit pas commencer à passer dans des cimetières pour fouetter. La tribulation Mateso Mukubwa, c'est pour les vivants. Ceux qui vont réussir, Chapa et Nyama, ce ne sont pas les morts dans les cimetières enterrés. Ceux qui vont refuser la marque de la bête, ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants. Mateso Mukubwa, Ikunangarani, les chrétiens vivants, Benyiko Bajima, qui vont rejeter le prophète communique, qui vont rejeter la marque de la bête. Ungano, la marque de la bête est spirituelle. Ce n'est pas que Internet, c'est écrit 666 sur le front, c'est faux. C'est une marque spirituelle. C'est un problème d'enseignement. C'est l'enseignement trinitaire. Ah, on va écrire les gens au visage 666. Ba Christu, le chrétien ba kweri, véritable qui sont nés de nouveau même perfection ils ne sont pas atteints la perfection en Christ et ils ont décidé à condamner à combien ils sont battus à ta ville ils sont la vérité et quand ils verront ils ont raté et le frère que nous avons ici et le frère c'est toute cette prédication ça vous reviendra. Et c'est là que vous donnera la force si vous avez, vous êtes né de nouveau pour vaincre la bête. Voilà, c'est comme ces gens vont dans la tribulation. Ce ne sont pas les saints qui sont morts autrefois. Durant ces âges de l'église. Parce qu'il est dit. Sababu asema, ils viennent de la grande tribulation. Et la grande tribulation doit venir après que l'épouse soit allée à la maison. Je kwenda kunyumba. Si vous n'avez pas amen, vous disiez amen, vous ne comprenez pas tout ça. Ou vous vous étonnez. Amen. Amen. Dit, tout ce que Frère Banam est en train de dire, vous comprenez cela. La tribulation, Mateso Mukubwa, Ikonakuya, c'est après que l'épouse soit enlevée. Nikisha kwenda kunyanyuliwa kwa bibi harusi. L'épouse est à la maison. Bibi harusi eko zia kunyumba. Oh, j'aime ça. Oh, minapenda ile. Moi, j'aime aussi. Mie minapenda na mi ile. Vous voyez bien mes frères. Munaona nduku. Vous voyez bien mes frères. Munaona dada mpendwa. Je voulais mettre de la lumière là-dessus. Nilipenda kuangazia kupale. Alors si je prends une autre pensée. Na lakini kama ninavyo wazo wengine. Je ne saurais pas terminer. Mistaweza kumaliza. Pense Dieu a voulu que ça soit ici. Nazania Mungu alipenda bipate kwa hivi. Je termine avec rendre un service à Dieu. Amina ishia na ima ubiri kumtumikia Mungu. Rendre un service à Dieu. Kutumikia Mungu kazi ma ubiri. En dehors de sa volonté. Kutumikia Mungu kazi inje ya mapenzi yake ma ubiri. 134. Aller jusqu'au paragraphe 139. Tradition Canada. Kutafsiri kwa Canada. Je vais terminer par ici. Minta malizia hapa. Maintenant, remarquez. Sasa, mtazameni. Aujourd'hui, Léo, de nombreux croyants sincères, ba ministre wa mingi, ba nyaki, viennent à Christ. Bona kuya kwa Kristu. Ou qui désirent venir de tout leur cœur. Voilà, bona penda kuya na moyo yabo yote. Sont tués spirituellement. Beko benewa uwa mukiro. De la même manière, si vous nana, moya moya mufate muzuri. Ce sont de croyants sincères. Ni ba minifu ba moyo yote ya moyo wao. Qui viennent à Christ pour leur propre salut. Beko na kuya kwa Kristu jua okovu yabo. Mais qui spirituellement. Mais lakini mukiro. Sont toujours tués. Beko pa benye kufa. De la même manière. Namna moya moya de croyants sincères ba minifu ba moyo yote qui désire venir à Christ bo bena tamania kwa kwa Kristu de tout leur cœur ils sont pas hypocrites abana manafiki mais qui sont tués mais lakini beko ni ba uwa spirituellement de la même manière namna moya beaucoup d'hommes sincères ba tu ba mingi benyaki vont à l'église catholique bekonenda ku kanisa ya kikatoliki et veulent devenir des chrétiens na bona penda kuya ils vont chez les méthodistes bekonenda mamishoni les baptistes mu babatiste l'église de Christ mu kanisa ya kikatoliki et même chez les pentecôtistes na hata voyez-vous munaona et veulent devenir des chrétiens dès qu'on appelle à qui qu'à quoi Christ soit ils mettent leurs mains à cela et se joignent à eux beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelques organisations dès qu'on est à kujunga matengenezo mwa fulani groupe wala nkundi ou culte wala ibada et là na pale il meurt spirituellement jo be unakufia pale mkiro et là na mule il meurt spirituellement be unakufwa mkiro. Je vous pose la question na wezi miuliza un mort peut-il mourir. Et si mwenye kufwa, anezi kufwa? Je vous pose la question. Niulizo. Parlons un peu. Et si mwenye kufwa, anezi kufwa? Aba bantu be konenda. Ces gens ici. Wijiunga kumazebu. Ils sont en train d'aller. Ils sont sincères. Ils sont sincères. Bantu bajima. Ils sont des vivants. Ils ont la vie. Ce sont des bébés. Ni batoto bachanga. Des nés de nouveau des enfants. Banesha kuzali kwa malati. Batoto. Dans les choses de Dieu. Ce sont des bébés. Abana na kutambua. Ils ont la vie. Mais quand ils sont partis, alignés là-bas, on les a tués. On arrête leur croissance. Parce que croissance spirituelle, dans les enseignements de la parole de Dieu véritable, ma fausse doctrine, les fausses doctrines, ma fausse doctrine, les fausses doctrines, aïe comme chaque bantu mouimani, fait jamais croître les gens dans la foi. Voilà pourquoi dans les donations, vous allez voir les hommes et les femmes qui sont en train de monter dans les montagnes, en train de crier la nuit, chanter, danser, mais des prostituées, des adultères, le menteur, le voleur, haineux. Parce qu'il n'y a pas de parole. Sababu abana na neno la kweli. Ils n'ont pas la parole qui va les aider à croître. Leur croissance est tombée. Kome ya kwabo kuna shimama. Akanisa ni baua. Ah, les églises les a tués. Kama unazala mtoto. Si vous engendrez, vous donnez naissance à un enfant. Donnez naissance à un enfant. Anakufa na 3 ans. Et cet enfant est décédé avec 3 mères à tatou. Utamujima mbuku yako. Vous allez lui effacer dans votre palmarès. Utamujima mfamili yako. Vous allez lui effacer dans votre famille. Si vous êtes conscient kusema. Je suis conscient que. Mimi kona batoto 10. Moi, j'ai 10 mais enfants. Batoto 4 bari kufuaka. Mais il y a 4 qui sont décédés. Si tu es conscient de ça. Uku na ile mwatiri. tu avais eu 10 enfants et il y a 4 qui sont décédés, vas-tu oublier que tu avais 10 enfants? Même si tu es allé à l'hôpital, on va penser que tu as déjà donné naissance à 10 enfants et ceux qui sont vivants, ils sont à 6. Ce sont les enfants qui sont morts, ce sont les enfants qui ont eu la vie, mais ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont allés à un endroit où la nourriture qui devait les aider à croître, mais il y avait de la venin, il y avait du poison, le mafouche à bongo, dans notre âme. Soumou, mon affiétou. Quoi bien, mes frères? Mon anandou kumpendo. Je continue. Mina endelea. Frère Banam continue. Du Banam en endelea. Il dit. Anasema. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelques organisations. Batuwa mingi benyiko amoyo akirenda junga kumatengenezo mwafulani. Groupe. Voilà un kundi, au culte, voilà ibada, et là, na pale, il meurt spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ont ces choses enracinées en eux. Eh bien, na muzuri, ces évêques ont dit ceci. Aba ba évêque, ba risema hivi. Celui-ci a dit cela. Uyu aritema koivi. Ainsi de suite. Na ifatayo. Vous leur montrez ici. Unebonesha apa. Même dans la parole de Dieu. Ata mneno la Mungu. Où c'est l'insi dit le Seigneur. Ya kwa. Pa ni hivi Bwana asema. Mais il dit. Malakini anakuambia. Notre pasteur sema, a dit. Pasteur wetu acha kusema. C'est ce que nous voyons notre dans nos nations. Pasteur wetu alisema. Le bishop a dit. Bishop, évêque alisema. Askofu alisema. Son langage dénominationnel. Même si tu disais. Waziwazi. Comme on lui a déjà tué. Et il continue dans son dans les nominations. Et Beramutenga, Bamuzungulucha, Kutia, Bamunabi Abongo, Bapachaba, Bainjili, Bainjili Kibabongo, il est devenu Mouvouwani Kouloukwa, en athée dans la couronne, sommaire, même si vous le lisez, ce matin, on a ce il dit, même si tu dis ça, pasteur, oui, mais dit. Mon pasteur n'a pas dit ça, peu importe ce que dit votre pasteur, Aizur qui est pasteur, peu importe ce que dit, Aizur, ou ce que dit quiconque. Voilà, si c'est contraire kama il à cette parole de Dieu confirmée, le temps, wakati, le message, et ainsi de suite, na ifatayo, oubliez cela. Sabu ile, oubliez-le. Sabu, voyez, munaona, si ce n'est pas conforme kama unasema, au message na ujumbe le wakati, message confirmé ujumbe de ce temps ici, oubliez cela. Musabo le mutu. Tenez-vous éloigné de na mwende mbari na ile mafundisho yake. Je devrais me tenir nilipasha devant chacun de vous. Ushimama mbele ya kila moja wenu siku ya hukumu. Vous le savez. Munajua. Même moi. Hata mie niko na yua ile. Au jour du jugement. Ya kwamba siku ya hukumu. Avant que vous soyez jugés. Mbele ya mumukumiwe. Moi-même je serai jugé. Na mie mbe bate hukumu kwanza. J'ai une lourde charge. Na niko na mabujito ya mingi. Je serai jugé pour moi-même. Bate hukumu juu yangu. Et ensuite on va me juger. Na kisha tena bate hukumu. Pour vos âmes. Juu ya manafsi yenu. Vous voyez. Munaona. Ces gens sont vraiment sincères. Aba tu veux qu'on a moyo haki. Vous entendez tellement dire cela. Ils sont si sincères. Cela ne veut rien, dire du tout. Les témoins de Jéhovah. Les adventistes. Et tous ces cultes vont là, dans les rues. Ils font des choses. Chacun dans les rues. Vous voyez, chacun de nous, ce que chacun de nous ne ferait pas. Vous voyez, les témoins de Jéhovah, les autres font des choses que même nous ici ben nous ne ferons pas. Bile na shia, les catholiques se tiennent au coin là, ben de la rue, demandant la charité. Mukomba, voyez, munaona. demandant la charité. Kumba charité. Et ça rachetait certaines de leur ordre religieux. Na beko. Benye kuambatana na mafundisho ya madini yabo. Ils sont accrochés à leur doctrine. Bien qu'ils possèdent des milliards de dollars, ils continuent à demander. Bien, ils sont sincères, sans doute. Mingi, les églises font. Les prédicateurs étaient là à la chair. Ils font ce qu'ils peuvent pour avoir beaucoup de membres dans leur église. Mais c'est seulement une nouvelle arche. C'est seulement une nouvelle arche. Ni agano tu, yamupia. Biko contre kuneno la mungu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Sanduku ya agano, ni mupia. Nouvelle arche. Vous voyez, unaona? Il n'y a qu'une seule arche à suivre. Ni paka tu sanduku ya agano moya kwata. La parole de Dieu. Neno la mungu. La parole de vérité. Na neno la kweli. Vous voyez, unaona? Tout ce qui lui est contraire. Bile biote biku bia pinganisha. À cette arche. Na hii sanduku ya agano. Yenye kuwa neno la kweli. Mwende mbari nayo. C'est sur un char neuf. Ni pa ile gari ya mupia. Et non sur les épaules de Dieu. Lakini aina pa mabeka ya mungu. Les épaules des sacrificateurs. Mabeka ya bakurani. Munaona. Tenez-vous éloigné de cela. Mwende mbari ya bebitu. N'ayez rien à faire avec cela. Mushikwe na mambo hata mwa na abo. C'est vrai. Munaona ni kweli. Alors. Sasa. Regardez. Tazameni. A la parole promise. Kuneno ya malako. C'est vrai. Kweli. C'est nous qui prêchons. Ni si enjo tuna ubiri. Le plein évangile. Injili katika utele. Si. C'est nous. Dieu qu'on a ubiri le plein évangile. Nous prêchons injili utele. Quand on a tembe, hein? Si tu marches. Soyez sûr. Où en aille à Kikisho. Où tembe na fier. Marche avec fier. Ce qui vous est, ce que Dieu vous donne, c'est l'entièreté de toute la parole. N'enolote. À part du Djibouti. Ici, nous ne sommes pas en train de présenter. À du Djibouti. Ici, nous ne sommes pas en train de jouer. Nami ma fouche bien bon. Avec des faux doctrines, avec des sorcelleries, non, frère. À part Nanduku. Ya. Dumba moya anafuana kamwimbo impostué va continuer un cantique et dans tout le courant et les femmes et les hommes sont en train d'imiter une prostituée. Ça ce sont des jets. Nous nous sommes qui est la race élue. Nikizazi qui a batté oulé les enfants d'Abraham. Batoto ya Ibrahim Djama ya Kifan Djama ya Kifan Batoto ya Ibrahim. Nduku, même si nous n'avons rien. Ataka matuna akintu, frère, nduku, même si nous sommes méprisés. Ataka mabenetu beula, même si nous sommes honorés par lakini Dieu. Mungu ekonetu eshimia. Nous wakumbimu. Les yeux du ciel. Il a laissé tous ces gens ici. Et Bible yote et prendre la Bible te révéler à toi. Nine makani. Nduku. Nine makani. Les Dieu a laissé tous ces gens ici. Il est allé chercher le prédicateur qu'il avait, Mouchaoui Yake, Yamapenzi Yake, qui nous a placé devant toi pour t'enseigner. Nine Makani, Nduku. Quelle grâce. Nine Makani. Que Dieu vous bénisse. Mungu Amibariki. Il a compris. Nanya Naelewa. Ah, c'était bien. Kwa mzuri. C'était bien. Kwa mzuri. Fallait que je rentre. Afazaye Nirudie Mukidoku. Nous allons continuer. Pour compléter, parce que je ne sais pas ce que tu dis. En 2013, nous avons apporté la voie du salut. La même pensée que je porte ce soir se trouve dans la bande numéro 32. C'était prêché le vendredi. 1er mars. Le 1er mars. 2013. La même pensée là. Wazuma il y a encore beaucoup de citations que je n'ai pas pu lire ici. Et si c'est la volonté du Seigneur, on va se retrouver dimanche. Alors venez à temps. Ça m'ukwembela. Vous avez remarqué que je commence à prendre un peu 10 minutes. Munona ce n'est pas l'évangile. C'est l'enseignement. Ini mafundisho. Et je me presse pour finir. Kumaliza. Parce que j'ai derrière mon dos beaucoup de prédicateurs qui doivent venir prêcher. Sababu mkongo wangu baubiri ba mimi mpaka kuhubiri. Mais il faut y avancer na moyo jusqu'à intercenta ni mwachie po. Je dois mais parce que na kumbele. Pour libérer la chair parce que nous allons encore arrêter. Je reprends maintenant avec le plan du salut lui-même. Mais suivez attentivement. Lakini mufate na utaratibu. Priez pour nous, priez mutuombe kanisa. Vous êtes des élus. Muko bateule. Et vous vous trouvez à un bon endroit. Na unapatikana fashi mzuri. Kama unakosa tu okovu. Si tu rates le salut, c'est de toi-même. Tu manques le Saint-Esprit, c'est de toi-même. Si tu veux aller dans la grande tribulation, c'est de toi-même. Si tu veux passer au trône blanc, tu veux aller dans l'enlèvement, c'est de tu as ton libre arbitre et tu as ta na propre volonté qui te permet d'être ce que toi tu veux être. Kuya kile wona taka kuya. Lève-nous pour la prière. Tushimame njua kuomba. Merci notre Père. Asante Baba yetu. Ta parole est la vérité. Neno lako ni ukweli. Nous croyons de tout notre cœur. Na moyo yetu yote tunaamini que nous sommes la semence d'Abraham. Ya kwamba tuko mbeko ya Ibrahimu. La semence que tu as prédestinée. Mbeko iliyotangulia kutayarisha. Entendre ces choses. Ya kushikia ibitu. À recevoir ces choses. Ya kupokea ibitu. À expérimenter ces choses. Kuonja ibitu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Je te prie. Niko na kuomba. Viens à notre secours. Kuya utusaidie. Aide chaque frère. Usaidie kila nduku. Aide chaque sœur. Usaidie kila dada. À travers la parole de vérité. Ya neno la ukweli. Il expérimente. Apate kuonja. Toutes les bonnes promesses. Ma lako yote ya mzuri. Yenye urtufanshia kama bateule. Beni chaque oreille. Bariki kila ishikio rishikia. Ne laisse pas Satan. Apana kuacha shetani. Prende cette semence. Apate kubeba imbeko. Et la jeter sur la rue. Na kuitupa mbarabala. Mais que le Saint-Esprit prenne cette parole, l'ancre dans nos âmes, pour que nous soyons de véritables élus, de véritables vierges sages. Bénis cette église, bariki kanisa, bénis l'épouse, bariki bibi arusi, et souviens-toi d'Israël, na ukumbuke Israël taifa yako, au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'appelle l'ancien. Narika mze. Venez dimanche à temps. Mkwembela wakati kwa juma, saenga. Vous venez à temps. Kama unakuwa mbele wakati. Vous me donnez aussi l'occasion de parler. Si na mimi mtenibastia tena basi ya kusema tena sana. Na kufasiria vitu vingine mupano, kutiane ma Bwana. Kama temps iko kiloko. Si nous avons peu de temps. Nianze kwenda mbio mbio. Qui veut commencer à aller vite. Habite msaidi. Et cela ne va pas vous aider. Pourtant nous sommes là pour vous aider. Japo tuko hapa njoo kumsaidia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Salama ya Bwana ipate kuwa na mu. Mzee karibu. On s'y approchait.